tellement fait fort, du bon bon bon fort, j'attends et doutons encore. Oh, oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus, les doutes tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis? Qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit. Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Solide. C'est la fanfare de Rareware. C'est dans le temps qu'ils faisaient des jeux au Super NES comme Donkey Kong Country 3. Country 3. Ça va être ça la trame sonore de fond aujourd'hui. À 70%, auquel on a invité un être humain de Rouyn-Noranda, exporté à Québec, réimporté à Montréal. Bonjour Mathieu. Ben écoute, ça va très bien et toi? Chaque jour est un cadeau, mon gars. C'est quoi, t'es un tenancier de bar et t'es intéressé aux projections qu'on fait nous autres ici. Là. Oui, tout à fait. Voilà, on en reparle au cours de l'émission. Bruno, tu vas parler de publicité. Ouais, c'est le fun, il n'y en a pas assez. Non, mais justement, je vais vous parler de... En tout cas, tu vas voir, tu vas être content cette fois-là. Hein? Tu sais, la semaine dernière, je t'ai parlé de publicité, t'étais pas content. C'était ouais. Ça à l'une. Là, je vais te parler de publicité, puis là, tu vas comme... Ça va être un petit velours. Ça va être un velours. Ouais. Et puis, Étienne Forêt, est-ce que l'enfer où tu vas nous amener a un nom cette semaine? Eh bien, cette semaine, je refais ma chronique aléatoire. Parce que je reviens de camping. T'es allé camper où? Au parc de la Mauricie. Oh boy! Oui. As-tu pêché de la truite arc-en-ciel? Non. Non? J'ai rien pêché pantoute. Non. Je fais du canot puis du camping. Ben, je te vois pas, là. T'es comme caché par un micro. Par un micro. Attends, on va le tasser. C'est mieux. C'est de la joie en studio. On n'a pas de femelle ce soir, mais on vous assure qu'il va en avoir d'autres à un moment donné. Ouais. On essaiera d'en appeler une, peut-être. Peut-être. Ou s'il y en a une qui nous écoute, 987 3000. Puis sinon, au niveau des femelles, on a quand même Franken Hooker, version française, Franken Guidoun. Oui, ça a l'air bon, ça. Ouais, c'est un film un petit peu folichon à la Maniaque des T-shirts. On avait déjà fait le tour d'une affaire comme ça jadis. Mm-hmm. Ça, c'était quelque chose, Maniaque des T-shirts. C'était quand même un petit velours. La première fois que j'ai amené ma femme au visionnement douteux, c'était ça. Puis elle a quand même voulu revenir. Puis elle a quand même voulu revenir, ce qui porte à laisser réfléchir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Comme première toune du show aujourd'hui, on va écouter le Flea Market Montgomery. C'est une vraie toune, pour vrai. Là. Pour vrai, il est fier. Ouais. Ah, j'ai hâte, là, parce que je l'ai eu dans la tête toute la semaine en plus. Je la chantais dans ma douche hier. Free market. Dinettes. Oh yeah, you can find them at the market. We talking about flea market. Montgomery. It's just like a mini mall. Oh yeah, come shop with us. I said flea market. Montgomery. It's just like a mini mall. Hey, you heard me. Come shop. Living rooms, bedrooms, dinettes. We got it, you need it, you'll find it. It's just like a mini mall. Hey, you heard me, come shop. I said flea market, Montgomery. It's just like a mini mall. Hey, living rooms, bedrooms, dinettes. Oh yeah, you can find them at the market. We talking about flea market, Montgomery. It's just like a mini mall. Hey, don't stop, let's make it a dance. Come on now, to the left, to the right, let's do this dance. Hey, to the left, to the right, let's make this a dance. Flea market, Montgomery, it keeps you jumping. It's just like a mini mall. Check it out now, everybody, like this now. Hey, flea market, Montgomery. It's just like a mini mall. Don't stop, let's dance. Flea market, Montgomery. It's just like a mini mall. Let's bring it on down now. Oh yeah, I know you're gonna like this. Come on now. It's just like, you know what I'm saying. It's just like, you know what I mean? It's just like, you know it? So why don't you just come on and say it? It's just like, it's just like, ain't minimal. Yeah, you said it. It's just like, ain't minimal. Regardez ce soir, j'ai écouté tes pensées. Tu veux jouer? C'est aussi ce que ton petit ami voulait. Et où est Greg? Ici, avec moi. Il a perdu la partie et j'ai gagné son âme. Voyons si tu seras plus digne de moi. Viens. Quel que soit le couloir que tu choisiras, Alex, il te conduira face à ton destin. Ta vie entière est vouée à l'échec. Tu perds du temps. Choisis un couloir. Je viens te chercher. Salut, c'est Louis-Philippe des Contracteurs, vous écoutez 70%, puis j'aime ça, moi, cette radio-là. Je t'aime pas si t'écoutes pas cette radio-là. Des mots pleins de sagesse. Ouais. On est passé au travers d'une... Boy, toi, reviens pas. On est passé au travers d'une séquence qui venait d'Arcade, bien sûr. Ça a l'air bon, ça. C'est Arcade, c'est très, très, très, très bon. En fait, on l'a pas encore écouté depuis qu'on est rendu. Au brouhaha, ça va sûrement revenir. Puis il y a l'autre Evolver qui est dans la même séquence. Il y avait Q en plus de Star Trek là-dedans. Ça te donnait à réfléchir. Mais ça. Bruno, veux-tu nous faire une nouvelle pour commencer ça solide? Ouais, d'accord. Alors, il y a le Dr. Richard Graham, un psychiatre de Londres, qui a l'intention de créer une guilde de psychiatres sur World of Warcraft afin de traiter la dépendance à ce jeu à l'intérieur du jeu. Puis il veut des abonnements gratuits. En fait, il aurait contacté Blizzard Entertainment pour qu'il élimine ou fasse des rabais sur le coût d'inscription afin que des thérapeutes puissent communiquer plus facilement avec les joueurs à risque dans leur environnement préféré. Le projet devrait être lancé d'ici la fin de l'année et il est déjà clair, selon Graham, que les psychiatres devront rester à l'intérieur des paramètres du jeu, que les avatars n'auront pas des sarraux blancs, mais seront des personnages auxquels tout le monde a accès. Le danger desquels maintenant... on peut tomber dépendant. Ouais, exactement. C'est ça, donc, le danger maintenant, c'est que ben, si les psychiatres excellent dans leur domaine, dans la vraie vie, ils seront pas nécessairement très bons à World of Warcraft, puis ils devront passer plusieurs heures à jouer et peut-être devenir dépendants. Oups, le piège est là. Puis ils demandent des rabais. Puis ils demandent des rabais en plus. Tellement humaniste. Ça commence bien. Ben, tu vois, ils se forcent. Mais j'avoue que c'est quand même un problème de société de plus en plus répandu. Ouais. Des gens qui passent leur vie sur World of Warcraft. Mmh. Qui suis-je pour les juger? Je sais pas. Je passe ma vie à écouter des affaires qui, en tout cas, qui passent à l'émission ici, maintenant. J'ai beaucoup d'étudiants qui coulent mes cours à cause de ça. Je les salue tous en passant. Moi, dans mon temps, c'était Warcraft 2, en fait. Je skippais des cours de philosophie au cégep à Val-d'Or pour aller jouer en lab. Ben, tu sais, on était tout en réseau. Là. Ouais. Là, tu pouvais jouer à 8 en même temps, puis il fallait que tu fasses C/War 2. Ouais, ouais. Ça partait, man. Un bon vieux temps du DOS. On s'ennuie. Étienne Forêt, veux-tu commencer ta chronique tout de suite, aléatoirement? Ah oui, donc. Mais avant, en fait, j'aimerais ça. Écoute, il faut que je le dise à tout le monde, je suis tellement heureux. Tommy vient de m'envoyer, me passer tout un paquet de beaux vinyles qui ont l'air super mauvais. Oui. Puis j'aimerais ça lire un peu ce qui est écrit derrière, celui de Le secret de la jeunesse, avec Jean La Jeunesse et Jeannette Bertrand, gymnastique en musique. Parce que c'est vraiment beau. Donc, je vais mettre une toune au hasard, puis je vais lire ça après. OK? Donc, allons-y. OK. Fait qu'on est sur Kate Ryan, qui a repris Ella Ella de France Gall. Tabouette. Donc, c'est pas pire. Ouais, ça pertinent. Commence bien. Méta cochonnerie ultime. Donc, ça, c'était l'année passée, en 2008. Mais là, c'est comme L.A., c'est Los Angeles, c'est ça? Non, c'est Ella comme un nom, genre E-L-L-A comme un prénom. Ella, elle. Là. Donc elle l'a, cette fille-là. Elle l'a. Elle a Fitzgerald. Ouais, genre. Elle a le je ne sais quoi. Elle a, ouais, qui rend les hommes. C'est ça. Bon, ben on écoute le disque. Oui, alors au début, c'est Jean qui s'adresse à tout le monde ici, qui dit « Loin de moi la pensée de poser à l'expert en femme et en gymnastique. Cependant, mariée depuis de longues années, même si elles m'ont paru bien courtes, à une femme qui a des soucis de ligne, donc Jeannette Bertrand, qu'on la reconnaît, tellement grosse, j'ose prétendre m'y connaître un peu. Parlons donc femme et gymnastique. Les femmes ont tant de qualités qu'elles sont la joie de notre existence à nous les hommes. Mais quand, oui, vous êtes là pour ça, mesdames. Mais quand arrive le moment de faire des exercices pour garder leur ligne, l'améliorer ou la retrouver, elles manquent totalement de volonté, ces grosses-là. C'est toujours demain qu'elles s'y mettront. Ma Jeannette est comme vous toutes. Si je ne lui fais pas faire ses exercices tous les jours, elle se laisse aller à la paresse et à l'embonpoint. Elle ne demande pas à la porte. Hein. Non. Tout en enviant fort ma sveltesse. Parce que Jean, la jeunesse, quand même, était très svelte. J'ai donc pensé remplacer auprès de vous vos maris et vos amis occupés ailleurs et vous faire faire votre gymnastique quotidienne. Ils auraient tort d'être jaloux. Je ne veux que leur plaisir et leur fierté. Oui. Merci, Jean. Fierté. Donc, en rang aux côtés de Jeannette, vous connaîtrez le secret de la jeunesse. Agréez, mesdames et mesdemoiselles, l'expression de mon entier dévouement à la ligne féminine. Jean, la jeunesse. Et là, ce qui est beau. Il n'a pas fini ça de même. Oui, non, ça, c'est. Sacrifier, agréer. Oui, agréer, mesdames et mesdemoiselles, l'expression de mon entier dévouement à la ligne féminine. Et là, il y a Jeannette qui lui répond. Puis moi, je m'étais dit, bon, Jeannette, elle va le remettre à sa place, genre, puis ça va être rigolo. Mais non, finalement, Jeannette est toute brainwashée, contente. Elle lui dit, mon cher Jean, si tu n'es pas un expert en femme et en gymnastique, je prétends que je le suis. Femme depuis de nombreuses années, trop nombreuses années, je sais combien il est difficile de posséder une ligne parfaite. Faisant de la gymnastique depuis fort longtemps, je connais les exercices qui amincissent la taille, aplatissent le ventre, redressent les seins, galbent les jambes, effacent le double menton, etc., etc., les fameux exercices de menton. Je connais aussi la faiblesse de la volonté féminine devant les exercices à exécuter. Moi-même, je suis désemparé quand je n'ai pas ta voix chaude et pressante pour me donner du courage. Je te prête donc à mes amies, soucieuses comme moi, de rester minces et jeunes pour quelques maris ventrus ou désespérément sveltes. Nous remettons notre ligne entre tes mains, Jeannette. Là, il parle de sexe ou quoi, là? Non, il parle d'exercice physique, là. Se remettre en forme. Être fier de sa grosse. Oui. Ta soeur pour te montrer au monde, c'est là. Ça. Ramène pas ton cul. Non. Wow. Vas-y, sveltement. Fait que j'ai très hâte d'écouter ça. Je vais faire ça sûrement. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu le mot svelte? Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas entendu ça. Moi, ça fait pas si longtemps que ça. Il me semble que je l'utilise quand même assez souvent. Là. Étant toi-même svelte. Étant c'est moi-même ça. Svelte. Es-tu fier de ta sveltesse? Ouais, sveltesse, ça, j'avais jamais entendu ça. D'ailleurs, je regarde ça, moi, chez les filles, puis je leur fais faire de l'exercice. Là. Sinon, il faut les remettre à leur place quand même. On ramène une fille chez nous, là, bon, check, là, fini, tu lui fais faire du sport. Fais l'exercice. C'est ça. En rentrant chez vous, t'as la pèse, puis si elle a pas son poids santé, c'est le fouet. Non, c'est ça. Eh ben, sinon, on va se rasser aléatoirement. On a quand même pogné elle-là. Ouais, puis là, on vient de switcher comme ça pendant qu'on parlait à Muriel Millard, Les vieilles maisons. Donc ça, c'est un grand classique. Muriel Millard qui a endisqué une couple de bons hits comme ça entre deux peintures de clowns tristes. Parce qu'elle fait aussi de la peinture. De clowns tristes. C'est tout le temps des clowns, souvent tristes. Si jamais quelqu'un a une peinture de Muriel Millard, j'aimerais ça en avoir. Un clown triste, mais c'est tellement ironique! Oui, c'est ça l'affaire. Hein. Je viens de la comprendre. C'est du deuxième niveau, là. Je sais que les auditeurs sont pas habitués. Là. On la laisse toujours un petit peu pour savoir. Ah ouais, donc. C'est elle qui a composé ça. Je suppose qu'elle l'a composé. Ben, pas sûr qu'elle a composé quoi que ce soit. Ça, j'ai entendu ça à Soirée canadienne. Ça a l'air d'être du folklore dont on ne connaît plus trop l'auteur. Et voilà. Quelque part entre Joe et Louis, il est arrivé ça. Je pense que c'est une des particularités du folklore, en fait. Ça s'est juste passé de tradition orale. Et puis il y a Warner Bros. Qui essaie d'avoir les droits. C'est ça, pour faire le film Les vieilles maisons. Les vieilles maisons de Muriel Millard. On en part un autre temps. Alors ici, on a une reprise de Toon des Beatles. C'est très original. C'est Les Intrigantes qui nous font Hello, Goodbye. Qui nous font nous demander pourquoi. Pourquoi sont intrigantes? C'est une bonne question. Ben, tu sais, ils ont traduit mot pour mot. C'est quand c'est intriguant. C'est ça, ils ont rien changé à la chanson. Fait que c'est dull, ça, finalement. On va en mettre un autre. Si on a Bobby Lapointe qui chante La Banane Anana. Ça, c'est un peu weird. Bobby Lapointe, je pense que c'est un français. La banana nana. La banana nana. Es un paso muy complicado, pero que il chante en genre d'espagnol. C'est pas sa langue d'origine. La banana nana. Laisse-la donc jouer, on va transférer vers notre invité pour avoir des commentaires frais. C'est bon. Comme ça, toi, Mathieu, t'es descendu de Québec pour peut-être t'associer avec nous autres. Ben, en fait, je cherchais des bananes ananas. J'en ai trouvé. Enfin! T'es pas mal tombé dessus. Je suis tombé droit dessus. Puis, est-ce qu'on t'a donné une bonne première impression? Ouais, jusqu'à date, ça va bien. Là. J'étais un peu troublé, mais je vais m'en sortir. Et là. Voilà. Ça va bien aller. Je pense que le fait qu'on t'aille attaché avec du duct tape à ta chaise, ça l'aide. Ça l'aide certain. Ça le met à l'aise. Parle-nous un petit peu de ton bar, ton établissement à Québec. La Ninkasi, ça fait un peu plus que 2 ans qu'on est ouvert. C'est où exactement? C'est sur la rue Saint-Jean, dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste. Okay. Oh boy, fait que t'as trouvé la place que tout le monde aimerait avoir. Ouais, c'est ça. C'est l'ancien, l'ancien Ballon Rouge qui était un bar gay, qui est devenu Zazou, qui est un bar bi. Ça s'est transformé au Fiction, qui est un bar latino. Il y a eu comme une cassure. Hey boy, oui. Ouais, fait que là, on est arrivé avec un concept pas mal différent. En fait, la Ninkasi, c'est ce qui veut dire dame de la bière. Mm-hmm. On spécialise en bière, puis principalement en bière québécoise. Oh boy! Ouais, on a strictement des produits québécois à la Ninkasi, que ce soit les spiritueux, les vins, les bandes qui viennent jouer, la nourriture, tout est made in Québec. Ah, oh, voilà. Ouais. C'est une ligne morale que toi, tu as décidé d'amener dans ton établissement, mettons. Ouais, morale ou commerciale, peu importe. Ouais, là, mais voilà. Bon, c'est la même chose. Si tu veux que ça soit commercial, faut que tu dises morale. En fait, on voulait se distinguer. Tu sais. Fait que, on s'est dit, on va y aller avec le terroir. Exactement. Et voilà. Puis ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, ça veut plus dire... Que 2 ans. Un petit peu plus que 2 ans. Un petit peu plus que 2 ans. Ouais. Puis les autres bars qui étaient là avant, avez-vous battu la longévité? Parce qu'il y en a eu quand même 4. Ouais, non. Ben, le Ballon Rouge est ouvert quasiment pendant 30 ans. Là. Bon, oh boy, bon, fait que... Okay. C'est une institution à Québec. Je sais pas si vous connaissez ça, là, mais... Non, c'est dommage. Mais on te croit. Ouais, c'est ça. Puis pourquoi être parti de Rouen? Eh hey, mon Dieu, ben écoute, je suis pas parti de Rouen pour ouvrir un bar, là. Je vivais déjà à Québec. OK. J'ai fait mon bac à Québec. Pas à l'Université Laval. L'Université Laval, ouais. Ça, c'est l'université qui a le plus haut taux de suicide au monde, là. Fais attention. Ouais. Oups. T'es passé au travers? Je suis sorti. Eh hey, voilà, il est sous le choc. Ça m'a pris 10 ans. OK. Mais j'en suis sorti. Aujourd'hui, Québec, demain, le monde. Ouais, c'est ça. Aïe, c'est beau, ça. Il dit aïe. Exact. Mais sinon, je veux dire, rendu là, t'as un bar, t'as un permis de visionnement, tu projettes des affaires déjà. Mm-hmm. Tu m'as parlé du festival de films étudiants tantôt. En fait, on veut faire, tous les lundis soirs, à partir de septembre jusqu'à avril, on veut faire une soirée spécialisée projection. OK. On veut mélanger des styles de projection, des styles de production. C'est bien qu'on peut dire que vous êtes des producteurs. Si on... Donc, on veut mélanger différents producteurs, leur donner une place à Québec. OK. Exemple, un soir, on peut avoir des films universitaires, après ça, les douteux. La semaine d'après, ça peut être, exemple, Tom et ses chums, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Eddie 69. Exactement, c'est ça. Présenter Faradar, après ça, présenter les douteux. Ouais. Oh boy, donc, on veut avoir une soirée dédiée à la projection. Donc, peut-être qu'on aurait un chapitre à Québec. Ouais. Ouais. Ben, moi, je suis partant. En tout cas, on est partant. Et voilà, on est en train de faire des affaires en direct. Vous l'avez entendu ici. J'ai emmené le contrat. Puis moi, j'ai mon sang à sumoin, donc ça devrait bien aller. C'est correct. C'est correct. Sinon, est-ce que tu es un fan de douteux? Est-ce que tu es un fan de films spéciaux? Ouais. J'aime bien regarder des films... spéciaux. Spéciaux. Est-ce que t'en as un à nommer en particulier comme ça? Mon Dieu, tu me prends par surprise, là, mais disons, récemment, j'ai écouté... voyons, on va bien, hein? Je suis parti. Ah oui, Caveman. Caveman est un de mes films. Oh, oui, un de mes films favoris. Je l'ai écouté 15 à 20 fois, certain. Ah, je vous jure. C'est un vrai de vrai. Est-ce que tu l'as loué au Ciné Vidéo Club? Ah, je l'ai loué plusieurs fois. Ouais, j'ai même appris le langage par cœur. À tout. Ouais. Acta. Hey, Alunda. Ça fait longtemps, ça. À un moment donné, il tripote les boules, là, mais là, il touche, puis il n'y a pas de tête. Alors, c'est deux filles, une à côté de l'autre. Ouais. Là, il tripote une boule de chaque fille. Avec Lana. Avec Lana. Lana Alunda Atouk. Un bon vieux classique. Hey, ben, moi, je vais mettre une petite pause musicale. Oui. Avant de, bien sûr, ensuite parler du film de ce soir. Merci beaucoup, Mathieu. Reste pas trop loin. Là, on va revenir. Hey, j'étais pour mettre Flea Market. Là, Montgomery. It's just like a mini mall. That's right. Come, God. Ok, je vais fermer le micro à Bruno. Bedroom. Alright. Là, on va partir. Frank Zappa, Strictly Commercial. Ça vient de l'album. C'est Muffin Man, la toune. Oui, c'est bon. Ça, ça c'est très bon. The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later he says, Some people. Like cupcakes exclusively, while myself I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin. Girl, you thought it was a man, but it was a muffin. He hung around till you found that he didn't know nothing. Was a man, but he only was a puffin. No cries was heard in the night as a result of him stuffing. On va abandonner le solo gentil de M. Zappa pour poursuivre vers une séquence tirée de Bonzaillon, un film réalisé par notre bon ami Danny Gilmore. Tu bluffes, lâche ton gun, lâche-le tout de suite, là, mon gars, il arrivera rien, moi, te laisser tranquille. On dit Claude, si tu bluffes. Tabarnak, les gars, vous savez que vous êtes rendus. C'est bon, on va faire de la business avec vous. Attends, mais je m'en gagne, attends. 400 000 là-dedans, là. C'est ça, parfait. Prends ça, là. Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos cuisses. Oui, oui, oui. Des claques sur vos bras. Aïe. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor. Les insectes sont déjà morts. Super Timor avec sa nouvelle formule. Vraiment, vraiment plus fort. Super Timor, le numéro 1. Ah. Ah. C'est encore plus fort. Flea Market. Montgomery. OK, des nouvelles. La bibliothèque de East Hampton à Long Island voudrait ajouter une aile de livres pour enfants, mais le comité de zonage du village de East Hampton bloque les projets depuis un an. Alors que les 4 millions nécessaires ont déjà été acquéris par des dons privés afin d'agrandir la bibliothèque de 6800 pieds carrés et l'acquisition de 10 000 livres de plus, le directeur de la bibliothèque, Denis Fabizac, affirme que le comité de zonage a exprimé ses inquiétudes par rapport à une collection de livres pour enfants plus complète qui attirerait probablement plus d'enfants des communautés moins bien nanties des villages voisins. Oh! Mais ça, c'est dangereux. Voilà, alors l'an dernier, la bibliothèque de East Hampton a été classée dernière au pays pour le nombre de livres disponibles par enfant. Ouais, mais mieux vaut ça que de se retrouver avec plein d'enfants pauvres sur ton terrain, là. Mm-hmm. Hey, imagine, hey. Là. Pouf, ils ont fait briser tes flamants roses en patente, puis ça se fait plus, ça. C'est vintage. J'écoute 70%. Hey, d'ailleurs, moi, je vais commencer tranquillement à transférer vers Frankenhooker. Ça va être, j'ai oublié c'est quoi son nom, mais c'est une ancienne Playboy pet, là, genre. Ouais, une pin-up. C'est elle qui va tenir le rôle de la fille Franken guidonisée. Frankenhooker, le titre en français. On parlera pas directement du film, on va plutôt commencer en parlant de l'appellation non contrôlée de culte. Qu'est-ce que c'est un film culte? Ben franchement, moi j'en ai aucune idée. On me dit que Doctor Strangelove, c'est un film culte, que le Rocky Horror Picture Show, c'est un film culte, que 10,000 Maniacs, c'est un film culte, que Jazz, c'est un film culte, que Tommy des Who, mis en film par le génial Kurt Russell, c'est un film culte, que The Room, avec Tommy Wiseau. Oh, hi Bruno! Hi Étienne! Hi Mathieu! Donc, c'est un film culte que vole au-dessus d'un nid de coucou, c'est un film culte que John Waters ne fait que des films cultes et que tous les films d'horreur trop mornes pour être écoutés sont cultes. Pour ma part, j'inclurais Deadly Prey dans cette liste. Ah, c'est ça. Humblement. Ouais. Dans mes nombreuses années de critique volubile de films, c'est dans le genre de l'horreur que j'ai croisé le plus de gens défendant le cultisme d'un film. Bien sûr, le fait que certaines personnes, quelque part, disons sur Terre, aime écouter un film, et je dis aime écouter un film, pas nécessairement le film lui-même, comme dans le cas du Rocky Horror Picture Show. Je pense que le monde qui trippe sur ce film-là se déguise et vont avoir la cave ensemble. C'est pas nécessairement d'écouter le film lui-même, donc ne constitue pas, à mon sens, une raison valable pour transformer le dit film en œuvre culte. Comme la Vénus de Milo, mettons. Ouais. C'est sûr, aussi, le terme film culte ne fait référence à rien d'autre que l'opinion de la personne qui le décide, comme de dire que le pastel sera à la mode l'automne prochain. Je vous le jure, j'ai lu ça dans Elle. Ah ouais, ça va revenir, ça. Ouais. C'est comme les kilts, il paraît aussi que c'était à la mode, là. Il me semble que le fluo, c'est jamais vraiment revenu. Solidement, il va revenir plus fort. Ah, ça s'en vient. On est dû, là. Il est dans le mutagène. Là, ça va faire 30 ans bientôt. Donc, aussi, film culte, ça veut rien dire. Et le film de ce soir, Frankenguidoune, comédie noire aux accents d'horreur qui se veut culte dans certains milieux, ne conserve pas son titre en ses murs, à moins que quelqu'un n'ait envie de le défendre en tant que film culte. Non. bon, ça va. C'est ça. C'est pas un film culte. Je sais pas pourquoi le réalisateur du nom de Frank Hennenlotter a réussi à être casé là-dedans. C'est à cause de Basket Case. C'est pas Basket Case. C'est un film culte, Basket Case. Donc, on commence. On a ici les séquences. Je vais laisser Jeff et... Ben, en fait, la blonde de Jeff nous mettre en situation solide. C'est un party de famille. Tout le monde est heureux. Maman! Attends, je vais t'aider un peu. Non, non, merci. Dépêche-toi, mon cœur, ça va être brûlé. Une minute, s'il te plaît, Henri. Tu vois bien que je suis occupée. Mon petit cœur, je te signale que Jeffrey est dans la cuisine. Ah, oh, ça y est. Il doit encore travailler sur une expérience. Tu veux bien aller le chercher parce qu'on ne peut pas passer à table s'il manque une personne. J'y vais. Et si tu veux me faire plaisir, arrête de te couper l'appétit avec ça. Dis-moi, Hardy, ça te fera rien de me filer un coup de main? Un problème? Ah, c'est toujours la même chose, tu sais. Jeffrey est un gars étrange et moi, je suis trop grosse. Mais t'as arrêté ton régime. Ouais, pourtant, j'avais tout essayé, mais rien n'a marché. J'ai vraiment, vraiment grosse. Les fruits allégés, les petits plats allégés, le vin allégé, j'ai pris des pilules, de la poudre, j'ai fait Weight Watchers et pour finir, j'ai même laissé Jeffrey faire des expériences sur mon estomac. C'est pour dire. Jeffrey a tripoté ton estomac? Ouais, mais ça ne change pas. Je suis toujours une bouffeuse invétérée. Je savais pas qu'il était docteur. Enfin, oui et non. Il travaille plus à la Jersey Electric? Oh, mais si! Si tu veux, il se définit toujours comme une sorte de grand technicien bioélectrique. Surtout, fais-moi plaisir, ne me demande pas ce que ça veut dire. Mais il fait quand même une école médicale, moi. Parce qu'en plus d'être grosse, c'est un con. C'est génial qu'ils n'en veulent pas chez eux. Et tu le laisses t'opérer sans rien dire? Bah oui, c'est normal, puisqu'on va bientôt se marier. Et donc, voilà la prémisse. Ils vont bientôt se marier. Et puis, ben, c'est normal que... il fasse des expériences sur son estomac, ben oui. Vu qu'elle est débordante de porter du linge trop ample. Là, j'essaie de retrouver ici mon temps, je suis à 5 minutes 40. Après un accident malheureux dans le party de famille dans lequel Jeffrey a fait une tondeuse à télécommande qu'il veut donner à son beau-père, ben ça donne qu'en voulant montrer comment la tondeuse marche à son père, ben, sa blonde se fait piler dessus par la tondeuse et il y a des morceaux qui revolent partout. Des pieds. Puis elle des a perdu bras. Du poids, elle devrait être contente. Elle devrait être contente, oui. Et puis, ben là, bien sûr, Jeffrey, en tant que technicien bioélectrique. Demandez-nous pas ce que ça veut dire. Je sais demandez-nous pas. Pas, on ne sait pas. Technicien, écoute, il faut que tu ailles au moins cégep pour comprendre. Uh-huh. Et puis électricité. Électricité, c'est compliqué. Ouais, c'est bio, complexe. Man. Je me bio, souviens de rien. Ouais, mais non, c'est ça. C'est tout le bio. C'est la vie. Hein? C'est, la, voilà. Ouais, c'est la vie. C'est la vie. On va écouter Jeff ici. La vie. Va-tu avoir des cyborgs? Ben oui. C'est Frankenstein. À la base, c'est un cyborg. C'est vrai. C'est peut-être le premier avec les momies marchandes de jadis. Non, là ici pendant le générique, on va écouter Jeff dans un monologue incessant. En fait, c'est beaucoup le charme de ces films-là de folichon avec un héros qui est vraiment dehors de son bocal. Là. C'est l'histoire du gars qui est en monologue incessant pour qu'on comprenne à quel point il est turbulé. Fait que 5 minutes 40, c'est le générique, là, ça dure 3 minutes. Je vais couper le volume pour qu'on savoure tous ensemble. Histoire ici. Ça me donnera suffisamment de puissance pour actionner le relais situé 7 cm plus bas. Je cacherai l'interrupteur ici. 14 ampères, ça devrait largement suffire. Bien. Évidemment, il faudra tout camoufler. Ça va être coton, ça encore. Bon, celui-là, il faut le tirer jusqu'à la jambe. Là, il va me falloir, disons, 120 volts, un autre 210 juste à côté. Et voilà. Un dernier à 100. Non, c'est pas bon, ça. Il manque un relais d'impulsion. Ouais, ouais, sinon c'est la catastrophe. Et j'ai pas envie de tout faire flamber. Ah, encore un problème. Ouais, ça sert absolument à rien, ce que j'ai fait. Deux, peut-être. Ouais, en le reliant avec le troisième transistor. À quoi que là, ça cloche, là. Bon sang. Ouais. Il me faut une triple ponction à ce niveau-là. Et ça, plus besoin, je peux le foutre en l'air. Ah ouais, génial. Ah, ça fait beaucoup trop, ça. Et 140, ça devrait aller. Ça. Une résistance ici, couplée avec un interrupteur à clapet, ça devrait faire des merveilles. Une impulse à cet endroit. La calculatrice, je l'ai foutue. Ça y est, ouais. Ça me paraît tout à fait bon. Celui-là, je le mets vraiment pour faire joli. Ça fera une petite déviation sur la résistance. Et très bien. Et voilà l'interrupteur général. J'ajoute une interconnexion ici et là. Un relais interrupteur de 600 volts et ce sera quasiment parfait. Le tout relié à l'interrupteur central. 200 volts en direction du cerveau. J'aurai besoin de cuivre. Tout ce que je pourrais trouver. Comment est-ce que je vais pouvoir dégoter autant de cuivre? Reprenons. E=MC2. Non. C'est pas bon. Le plus simple, c'est encore de foutre un autre interrupteur. Et comme ça, je vais éviter de provoquer une surcharge électrique. J'aurai jamais assez de puissance. Jamais assez de puissance. Comment je vais faire? Comment il va faire? Je ne dispose pas d'une telle source d'électricité. Bon, il va réussir. Creuse-toi la cervelle, Jeffrey. Demandez-nous pas ce que ça voulait dire. Hein? Ben, ça veut dire E égale MC2, man. Ouais, mais non, ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas assez simple. C'est pas assez... Bravo. Mathieu? Oui? Est-ce que E égale MC2? Ben écoute, belle soirée en perspective en tout cas, hein? Ça a l'air sympathique comme film. Ça a l'air aux accents assez marrant, oui, comme t'as dit. Je pense qu'on va s'amuser. On va s'amuser, c'est sûr, puis pour faire passer du temps un petit peu de la meilleure des façons, comme on vient d'écouter quelqu'un de désillusionné nous parler de choses qu'il prend pour acquis, on va se taper un tout petit bout ici de Richard Glenn, il est dans la salle 701, c'est ésotérisme expérimental, ça va être bon. C'est sûr. Le phénomène soucoupe volante qui remonte à 1947. Avant sa naissance. Et ça fait 60 ans qu'on parle des soucoupes volantes. Il faut savoir qu'on est à peu près à l'époque où il y a eu les explosions thermonucléaires. D'abord expérimentales à Los Alamos, puis après ça, ben, tout le monde sait l'histoire au Japon, hein, Nagasaki, puis Hiroshima. Une bombe thermonucléaire qui explose, elle dérange l'univers. Dans le sens que c'est la fracture de l'atome, la plus petite particule de matière qui éclate. Et cette résonance qui est émise dans l'univers rejoint à la fois les plans matériels et les plans spirituels. Ça dérange et ça attire l'attention. Évidemment, le phénomène extraterrestre voyageait, visitait déjà la Terre depuis des milliers d'années. Sauf qu'au moment où une civilisation atteint la fracture de la matière, fissurer la matière, cette civilisation-là peut s'auto-détruire la destruction. La planète n'a pas été capable de passer le stade d'une civilisation de guerre à une civilisation de paix. Alors qu'aujourd'hui, je vous amène sur le pas, non pas de vous poser la question, est-ce que les extraterrestres existent ou n'existent pas? Il y a toujours une polémique à ce sujet-là. Ils sont capables de faire plus que juste un petit bond de puce entre la Terre et la Lune. Ils sont capables de partir de là-bas puis venir nous voir. D'autant plus qu'il y a des lois de la physique qu'on ne connaît pas encore. Plier l'espace, fold space, comme ils disent en anglais, c'est que tu as un point de la feuille, et quand tu as plié l'espace, tu es rendu à l'autre bout de la feuille, au lieu d'avoir pris les 40 années-lumière pour se déplacer de zeta 1 à zeta 2 de la constellation du Réticule, tu es rendu, en l'espace de quelques instants, d'un bout à l'autre de l'univers. Ces notions de espace... Temps. Alors, vous voyez qu'on a tout un programme pour 2007, c'est l'année consacrée au phénomène extraterrestre. On commence aujourd'hui en se disant, on nous cache la vérité. Puis le 2007, c'est l'année consacrée au phénomène extraterrestre. Mon cul, Bruno Corbin, s'il te plaît. Oui, alors Charles Diaz, un pompier de Asheville, en Caroline du Nord, a été arrêté pour tentative de meurtre au premier degré cette semaine après avoir tiré sur un cycliste dans la tête. Oui, il y avait un casque? La victime se baladait avec sa femme et son fils de 3 ans dans un siège pour enfants quand Diaz s'est approché d'eux dans sa voiture. Il aurait affirmé qu'il était fâché de voir des cyclistes sur une rue occupée et a voulu leur donner une leçon. Il a sorti son fusil, ouvert le feu, frappant le casque de vélo de la victime. La balle n'a frappé que l'extérieur du casque sans toucher la tête du cycliste. Sa caution a été fixée à 500 000 $. Diaz, qui est pompier depuis 1992, est maintenant en congé payé, attendant la fin de l'enquête. Oh, mais il est maintenant officiellement le gars qui a eu la moins bonne idée de la semaine. Ouais. Je l'ai bien aimé, lui, puis ça m'a fait penser parce que moi, j'ai eu une espèce de révélation cette semaine. Là, je me promenais en vélo. Puis là, il y a un gars qui était dans son pick-up, Puis là, moi, j'étais en train de descendre une côte, puis il n'y avait pas de stop en bas de la côte, là, ça continuait, puis il y avait une rue avec le gars qui avait un stop. Puis là, le gars, il a avancé, puis là, il m'a vu arriver, puis il s'est arrêté au milieu de la rue, comme, il m'a bloqué pendant que j'étais en train de descendre la côte. Puis là, il m'a regardé avec un air comme « je taillis parce que t'es en bicycle ». Je sais pas si c'était ça, mais tu sais, ça avait l'air d'être ça, tu sais. Puis il y en a beaucoup du monde qui nous haïssent parce qu'on est en bicycle, t'sais. Ben, on va plus vite, puis ça coûte moins puis moi, cher. Je dis que je comprends qu'est-ce qu'ils vivent, les Noirs. Oui, c'est la même affaire. À cause de ça. Bravo, Bruno Corbin. J'ai fait un lien. Est-ce qu'on se remet au random shuffle de DJ? Ah oui, donc. Étienne Forêt. Ça dit bien. Est-ce que t'as vécu ta dépendance à la drogue, finalement? Ah ouais, j'ai survécu, mais par exemple, pendant que j'étais en camping, j'ai fait un sevrage à la caféine. J'ai trouvé ça dur, j'avais mal à la tête tout le temps. Bon. Là, je suis revenu, puis j'ai bois plein de coke zéro. Donc, ceci étant dit, je passe à une prochaine chanson. On verra ce que ça va être. On s'en va latino un peu, avec Helmut Lotti, qui nous chante « Bésame mucho ». Oh non. Bésame. Cet album-là est excellent. J'ai commencé à suer. C'est tiré de l'album Helmut Lotti, Latino Classics, with the Golden Symphonic Orchestra. Donc, hey, imagine, faut être prêt. The Golden, the Bling Symphonic Orchestra, Latino Classics with the Bling Symphony Orchestra. C'est vraiment beau. Tout est bon sur cet album-là, je le recommande fortement. Celui-là, c'est peut-être la moins bonne, même, je dirais. Donc, on passe à autre chose. Merci. Les Carrick, très québécois, années 70, retour à la terre, au champ de l'Alouette. Les gars avec des cheveux longs et des barbes. Je pensais que c'était Garoulou, ça. Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait, au champ de l'Alouette. J'ai une version de René Simard aussi, on va en mettre après. Hein, tu vois le chauffeau, comment ça nous amène. Moi, je pensais que c'était David et Archibald qui faisaient ça au champ de l'Alouette. Ben, en fait, ça aussi, c'est une autre tune folklorique, fait que ça a été repris par plein de monde. Mais les Carrick, ça a été leur grand succès. Ben, yeah. Mais j'aime mieux la version de René Simard. Je vais essayer de vous la retrouver. Et voilà. Puis je m'endors. C'était sur le disque de l'oiseau aussi, donc en même temps, c'est un autre oiseau. Ah, tabouin. On m'envoie ton chant, c'est pour y cueillir. C'est pour Trémolo. Danny. J'ai cherché Danny. Mais c'est vrai qu'elle est fun, elle a un côté tune de Spider-Man. Tout de suite à ça que je pense, moi, en tout cas. Hey, next. Ok, next. On part un autre. Alors ici, on a Wing. Oh, yes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Wing. Wing qui... Est-ce que tu connais Wing, Mathieu? Non, pas du tout. C'est pas une joke. C'est une vieille madame d'origine chinoise qui habite maintenant en Nouvelle-Zélande. Okay. Qui chante plein de chansons connues, trop aiguës. Puis là, ici, elle chante Feelings. Est-ce que tu l'avais commandé, finalement, le disque de non, ACDC? J'allais sur le DCDC. Le prochain, c'est Beat It. Ah, c'est Beat It. J'attendais que ce soit disponible en téléchargement à genre 5-6 piastres. Sinon, faut commander le disque, puis c'est comme 15 piastres, plus la livraison de Nouvelle-Zélande. Ça me tentait pas. OK, ACDC, t'es à toutes, là. Ouais, il y en a pas beaucoup. Sur l'album, il y a deux albums de ACDC. Il y a Wing Sings ACDC. Donc, qui contient Back in Black et Highway to Hell. C'est, c'est la moins bonne idée. C'est un album à deux pistes. Et puis, il y a Wing Sings Brahms. Il y a ding, ding, ding, ding, ding. Il y a Wing Sings More ACDC qui est sorti après, qui a 4 tracks dessus. Donc, c'est pas trop. Avant qu'on en signe plus. Plus, ouais, ben plus. Hey, she's coming, man. Ouais. Ah, elle s'en vient là. Ouf. Ça, je pense que c'est ma préférée de Wing de tous les temps. Ouais, moi aussi. Back in Black, c'est vraiment bon. Ben, on va écouter Wing Back in Black à 70%. Ah. Vous l'avez pas vu venir, celle-là. Oh non. Yes, I'm there. Bien sûr, ACDC, qui est un band d'Australiens. C'est pour ça que peut-être que là-bas, en Nouvelle-Zélande, ils aiment bien ça. C'est possible, ouais, c'est un band d'Australiens, mais je pense qu'il y a genre 4 membres sur 5 qui viennent d'Angleterre et qui sont déménagés en Australie quand ils étaient jeunes. Ça compte. C'était quand ils étaient jeunes, ça compte. C'est ça. Ouais. Moi, je voulais juste dire, là, en terminant là-dessus, là, que Wing, on peut, si on veut maintenant, on peut la payer pour qu'elle appelle quelqu'un et qu'elle lui souhaite bonne fête ou puis qu'elle chante une chanson. On va voir sur le site pour ça. Sur le site de Wing, oui, qui est, je crois, wingmusic.co.nz. Wing Casio Music. Ouais. C'est wingmusic.co.nz. .nz, ouais. wingmusic.co.nz. Au pire, vous pouvez toujours regarder l'épisode de South Park qui s'intitule Wing. Oui, le nom du site internet est là à la fin. À manger une volée contre un boxeur. Ouais. Puis c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que ma blonde, elle m'a fait appeler Wing à la fête des pères. Puis elle m'a surpris avec ça. J'ai enregistré l'appel, mais malheureusement, on entend très mal. La petite machine qui enregistrait l'appel était cheap au bout. Mais check it bien, ça peut être le fun. MC? Yes, it's me. Hello. Good morning, TN. I'm Ring. Happy birthday. Oh, thank you. I'm going to sing a happy birthday song. And j'étais sidéré. Your favorite song is to you. And it was specially arranged by your friend, Genesis. Okay? Oh, all right. C'est vraiment live, là. Okay. Ça ne parle pas une cassette. OK. Fait qu'elle passe son Casio puis elle chante live, là. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Etienne. Happy birthday to you. Hein? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Fait que ça dure de même, je ferai pas tout le jeu, mais après ça, elle chante Beat It. On peut choisir une chanson qu'on veut puis la faire chanter. Là, je suis sur son site, là, puis on peut y faire chanter Happy Birthday ou Lullaby pour 6$ US. Mm. Ou bien Happy Birthday plus une chanson de votre choix pour 10$ US. Wow. Ou bien Happy Birthday plus une chanson de votre choix pour 13$. Je vois pas c'est quoi la différence. Puis moi, j'insiste, c'est vraiment une cause pour laquelle je suis content de faire de la publicité, Wing. Ouais, c'est ouais. Un produit unique, ça. Exact. Ça rajoute au grand spectre du possible de notre belle race. En plus, pour 23$ US, là, on a le deluxe, là. Happy Birthday, une chanson de ton choix, Brahms Lullaby. Puis elle va te faire un câlin. Puis elle t'envoie une cassette audio de ça pour pas que tu sois obligé de l'enregistrer cheap comme j'ai fait. Oh. Puis il y a même un Wedding Party Song Package pour votre mariage à 60 US. Trois chansons de votre choix. Un greeting pour votre wedding. Puis la cassette de tout ça. Puis pour. S'il y a un package deal qu'elle n'a pas pensé, là, elle va te le faire aussi. Oui, oui, le moyen. Puis là, c'est ce qui est cool, c'est que là, c'est ça, tu y écris, là, puis là, elle s'arrange avec toi, puis elle avait réécrit pour dire, pour s'assurer qu'elle savait prononcer mon nom correctement. Puis là, on s'entend à telle heure, OK? Puis là, elle appelle, elle met son cadran, puis elle t'appelle à cette heure-là, puis voilà. Tout ça pour 10$ US, moi, que j'avais eu, la Happy Birthday plus Beat It. C'est du popé de concret, ça. J'en profite pour remercier ma blonde, qui est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Ben là, elle a bien visé. Merci beaucoup, c'était un beau téléphone. Sans plus tarder, on va se replonger dans le classique, le film culte, en fait, de la journée. Un film très, très culte, parce que c'est ça. Là, on est après l'accident. Là, il a fait son plan, puis il a dit des mots comme E égale MC2. Mm-hmm. Et puis là, bon, on va peser play, parce que sa mère s'inquiète. Ah non, en fait, il va passer une soirée avec la tête. Tu es radieuse ce soir, ouais. Elisabeth. Ces bains quotidiens font énormément de bien. Okay. Tu as un teint extraordinaire. Tête à tête, ouais. Avec d'une beauté lumineuse. Oh, avec un pied sur la table. Fabuleuse. Je porte un toast à notre amour, qu'il persiste à tout jamais. Oui, puis la tête, déguste donc ce délicieux. Vraiment l'air réel. Ouais. Alors là, il est en train d'y fourrer du vin dans la tête. Voilà. Là, c'est ça. Ouais. Ça coule par le cou. Laisse-le couler dans ta gorge. Il fait le chemin tout seul. Voilà. Attends, t'en as un peu au coin de la bouche. Oui, puis il y en a plein, ça. Dis donc, le grand cru, ça a l'air de te plaire. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, et c'est ce que nous fêtons ce soir. On annonce une tempête cette semaine. Je vais tout préparer, chérie. C'est le moment ou jamais. Et si tout se passe comme prévu, ce qui est sûr, très bientôt, tu auras un nouveau look. Pour tout te dire, tu vas même complètement changer. Tu vas comprendre. On annonce une tempête. Ben oui, parce qu'il peut pas avoir de l'électricité non. Ailleurs que dans un éclair. C'est pas trop ton genre. Une autre. Si moi, celle-là, je l'aime bien. Si tu veux 2 gigawatts... Chérie, imagine-toi dans ce superbe corps entièrement dévoué à mon amour. Il y a quelqu'un dans le futur. Pas mal, non? Ça te laisse rêveuse. C'est mon décollage. Et encore ce modèle-là. Avec la face de la fille. Je te transformerai en tout ce que tu désires. Tu veux faire la page centrale d'un magazine, j'exaucerai le moindre de tes vœux. Enfin, elle sera plus grosse. Trouver le modèle parfait. En fait, il est en train de parler à... Mais assez discuté comme ça. Une tête, là, en ce moment. Ouais. Là, il y a la c'est tête de sa blonde décapitée sur la table. Il lui met du vin dans la bouche et il lui montre des beaux collages de Madame Apoel qu'il a rajouté la tête de sa blonde sur le dessus. Ouais. Puis... Attention. Il attend d'avoir son approbation. Et voilà le par Jeffrey Franken. Mon cœur s'emballe. Ils font d'amour pour toi. Je fais des cauchemars peu banals. J'ai la tête qui explose comme un bout de bois. Je me blottis dans tes bras accueillants, mais tu finis toujours par me laisser et t'enfuir. Et je me retrouve, les bras ballants, à me frotter à tes souvenirs. Je suis tendu comme un élastique qui aurait pris des amphées. Et si, mon Dieu, j'ai la trique, c'est pour mieux t'honorer. Voilà, c'est fini. C'est beau, la traduction du poème. Je sais, c'est pas du Rimbaud, mais ça vient du fond du cœur. Après ça, il remet les morceaux de sa femme dans une glacière pleine d'eau. C'est ça. Là, il met le poème dans le morceau de sa femme qui correspond à sa main. Chut. Chut, main ne parle pas. Passe du beau temps. Cadavre. Bonne nuit, Elisabeth. Je reviens demain soir. On a assez hâte. Là, je pense qu'il va transférer pas en avant. Suffisant. Voilà. Il va encore manquer 600 volts. Je dois absolument trouver des membres d'ici là. Ben oui, des membres. Je pourrai jamais. Je vais trop loin avec cette histoire. J'ai peur de ne plus contrôler la chose. Je peux pas. C'est trop dur. Voyons, Jeffrey, tu déraisonnes. Ressaisis-toi. C'est pas le moment de culpabiliser, mon vieux. Tu ne seras pas un meurtrier, voyons. Ça n'a rien à voir. Tu essaies de ramener une morte à la vie, rien d'autre. C'est pas comme si tu voulais tuer des personnes par plaisir. Tu as un but scientifique. C'est pas pareil, pas du tout. C'est pour toi que je le fais, pour que tu reviennes. Tant qu'il n'y a pas de plaisir là-dedans, c'est correct. Ouais. C'est ça. Là, il va ouvrir la tête comme une citrouille. Ben oui. Là, il ouvre la télé. Comme vous pouvez le constater sur cette carte derrière moi, une tempête arrive sur la côte est et va frapper New York. C'est fait en papier construction. Attendez-vous à des tonnes d'éclairs et de tonnerres. Ça va être quelque chose, croyez-moi. Et un conseil pour les savants fous. Préparez votre matériel, c'est maintenant ou jamais, les mecs. Donc, il est tombé popé sur le bon extrait. C'est du... parfait. C'est son bon, maman. Ouais, parce qu'il a vraiment rouvert la TV. Tu entends? Puis c'était il l'a refermé juste après. Il aurait fallu juste que la TV s'ouvre seule. Puis elle se rentre seule, puis là, ça aurait vraiment été... Relax, la clé de la réussite, c'est la relaxation, compris? La clé de la réussite, c'est la relaxation, calme-toi. Moment intéressant. C'est le moment de coup radical, mon vieux. Et voilà, on a le coup radical. Il sort une perceuse. Là, il sort une perceuse. Je vais avancer une petite vingtaine de secondes pour aller vers 22:45. Il va nous expliquer ce qu'il est en train de faire exactement avec la perceuse. Il y a des gens qui ont besoin de drogue. Pour d'autres, c'est l'agneau, là. Moi, j'ai juste besoin de me vriller la tête. Simplement. Ah, ben oui. Donc, on va laisser notre héros Jeffrey se rentrer une douille. Là, il va choisir. Attends un petit peu. J'ai la douille piquée sur l'écran. La 21, non. Non. La 22. Je me sens comme un soir. Bonsoir, la 22. Et voilà, Jeffrey est en train de se driller la tête. Oui, carrément, la mèche rentre au grand complet. Ouais. C'est cool, j'ai trouvé le mieux, c'est d'enlever des hôtesses de l'air. Et voilà, on va le laisser à son plan, l'élaboration de la dite chose. Je crois qu'on va faire. On va écouter le début de Frépépouille, parce que c'est touchant. C'est vrai. C'est très, très touchant. Je suis déjà touché. Voilà, voilà. Après toutes ces recherches, elle est enfin prête, ma potion. C'est un grand jour. Il ne me reste plus qu'à l'essayer. Oui, mais s'il y avait des effets secondaires graves, on ne sait jamais, je pourrais tomber malade. Je crois que je vais faire davantage de tests avant de l'essayer sur moi-même. C'est ça, tu vas le faire goûter à la pouille. Je vais la tester plus à fond. Je vais faire plus de tests. Oui, c'est ça. Et voilà, on amène... Ici une petite seconde. C'est ça. C'est un débile léger, fait que c'est correct d'y faire boire des affaires à lui. c'est quoi tu nous as ramené, Étienne? T'as digitalisé de la magie, toi? Ben oui, ben il y a une couple de semaines, il y avait Israël Trudel-Denis qui nous avait apporté un super livre rempli de 8 cassettes de Bob Proctor qui nous montrait comment faire de l'argent. Comment être meilleur. Oui, ça s'appelait Riche de naissance. Et puis, j'ai digitalisé la première cassette. Si vous voulez, on pourrait écouter ça. Je vous laisse deviner, je vous laisse chacun un guess de avec quelle chanson ça commence avant qu'on entende le début de Bob Proctor. Money. OK, tout de suite, Money. Moi, je dis la toune de 2001, Odyssée de l'espace. C'est un bon choix, ça. Mathieu, as-tu une idée? C'est une affaire de motivateur pour faire de l'argent puis devenir meilleur? Non. Pas de guess? Je sais pas. Je vais le partir, vous allez voir, on va le découvrir. Bob Proctor. Tout ensemble. Proctor, c'est un beau nom de famille. Ah! Chariot of Fire, voilà. Hey, on marche au ralenti, mec. Puis là, on a Marcel Aubin qui va nous lire le livre de Bob Proctor qui était aussi dans le package. En fait, les cassettes, dans le fond, c'est juste quelqu'un c'est qui. C'est le livre qui. Ouais, c'est ça, exact. Plus, il y a une cassette de relaxation. À ne pas écouter en conduisant. Non. Une cassette vierge pour t'enregistrer tes propres buts, mais Claude Leboeuf, qui était propriétaire du kit avant, s'est pas enregistré, malheureusement. Non? Dommage. Bonjour, mon nom est Marcel Aubin. Nous sommes heureux, Bob Proctor et moi, de constater que vous avez maintenant pris la décision d'entreprendre une nouvelle étape de ce merveilleux voyage que l'on appelle la vie. Enfin, vous aussi connaîtrez l'abondance, la prospérité et la satisfaction. Si bien sûr vous le désirez. Pour ma part, je cherchais depuis nombre d'années à comprendre pourquoi tant de gens visaient la réussite alors que si peu l'atteignaient. Comme vous le faites maintenant, c'est dans l'enseignement de Bob Proctor que j'ai découvert la meilleure réponse à cette question. La meilleure. L'approfondissement et l'utilisation des concepts qu'il présente m'ont vraiment convaincu de leur bien fondé. Aujourd'hui, je prête ma voix aux propos de Bob, afin que vous aussi puissiez bénéficier de ses connaissances. Mais avant de le faire, j'aimerais remercier les gens qui ont rendu possible la réalisation du programme « Vous êtes riche de naissance », en commençant par Bob lui-même, pour la qu'il me témoigne. Elle l'avait pas dit. Je pense à Jean-Pierre Gingras, mon associé, et à mon épouse Lorraine, elle aussi mon associée. Bien patiente. Oui. Plusieurs autres m'ont supporté. Non, tabac. Mais je m'en voudrais vraiment d'oublier Claude Paradis, mon complice de toujours, sacré Claude, pour ses précieux conseils et ses nombreux efforts. Finalement, mentionnons Adèle Chevalier pour sa patience ainsi que son efficacité à préparer et enregistrer la cassette de relaxation contenue dans cet album. Et qui s'en viendra éventuellement. Plus que des remerciements encore, je dédie ce joyau à ma mère. Il n'avait pas dit finalement, là. C'est trop, là. Okay. On l'avançait un peu au milieu. Oh, c'est un aperçu de périple que vous êtes sur le point d'entreprendre. Dans le premier chapitre, L'argent et moi, vous apprendrez ce qu'est vraiment cet élément insaisissable qui a pour nom argent. Vous apprendrez à composer avec celui-ci, comme il se doit, et comprendrez pourquoi tous les grands esprits entretiennent la flamme d'un principe fondamental dans les profondeurs de leur cœur, principe qui se lit comme suit. Il nous faut aimer les gens et nous servir de l'argent. Okay. Nous verrons aussi ce qui arrive à quiconque est assez imprudent. Il ne faut pas aimer l'argent et se servir des gens. Il ne faut pas croiser les rayons non plus. Vous aidera à prendre conscience qu'il n'y a finalement aucun mal en soi à vouloir être riche. Mais non. Et que bien au contraire, vous avez le devoir de devenir riche. Ah! T'es obligé. T'es obligé. Le deuxième t'es chapitre. Riche, non, je joue plus. Combien d'argent voulez-vous? Vous aidera à dresser un inventaire précis de vos pensées et de votre véritable situation financière. Hey, voyons. Donc. Vous apprendrez à déterminer vous-même vos limites. Vous découvrirez que puis vous là, devez on est rendu à 12 minutes et demie du début. Dont vous avez besoin puis on n'a rien fait procurer encore. Procurer les là. Biens que vous désirez. Ça juste se dire qu'est-ce qu'on va faire. Le genre de vie que vous avez choisi de vivre. Eh, boy. Mathieu, une fois cette oui. décision prise, est-ce que t'en as un préféré, mettons? T'es-tu genre Bob Proctor, Dieu le Père, le Pape, quelque chose? Dans les gens grands comme ça, là? Ouais, ouais. Grand comme Bob Proctor. Un préféré. Daniel Ange, Richard Glenn. Richard Glenn, c'est pas pire. Hein. J'ai déjà vu, d'ailleurs, j'étais allé à une de ses séances. Oh boy! Oh, oui, c'était assez ça. Sympathique. Ouais, j'étais très curieux. Et puis, ça a parlé de... Ça a parlé de... peau de bébé veau, en tout cas de... Ce qu'on fout pas trop, là, pour... qui guérissait tous les maladies. Tout. Grâce à de la peau de bébé veau. Ouais. D'embryon de veau, c'est ça. Okay. C'est ça. Voilà. La peau d'embryon de veau. Ça guérit tout. Ça guérit tout. Ils vendaient ça séché, hein, une petite peau. Ouais, sinon, c'est dégueulasse. C'était assez sympathique. Mais les gens qui étaient là étaient très sympathiques aussi. Ça doit être... Il y avait une foule assez bigarrée. En fait, là, c'était de couleur brun et noir, surtout. Puis c'était où? C'était à Montréal? Ou à c'était à l'Université Laval. Ah, d'accord. Au grand siège du Savoir. Oui, mm-hmm. Tout à fait, c'est ça. C'est pour ça que j'ai le succès de si élevé. C'est ça. Peut-être. Richard est là. Richard est là, don't be scared. Richard Glenn is here, voyons donc. Qui vend des fœtus de Mais il fallait que ce soit des fœtus élevés en Suisse. Ah, OK. Pour vrai, là? Oui. Parce qu'il faut que ce soit des fœtus neutres. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Sinon, c'est positif, négatif. Ils ont découvert, en fait, que les personnes qui vivaient à la plus haute altitude vivaient plus longtemps parce qu'il y a moins d'oxygène. C'est l'oxygène qui vient faire, pâlir les copies de nos cellules d'une fois à l'autre. Okay. Puis, c'est ça, quand t'es en haute altitude, il y a moins d'oxygène. Ouais. Fait que peut-être que les embryons de vaches sont plus purs étant exposés à moins d'oxygène en haute altitude. Peut-être. Oui. C'est peut-être la valeur de l'argent suisse aussi qui permettait de vendre plus cher. On l'a payé plus cher. Tu le payes plus cher. Il y a une des premières chansons que Phil Collins a chantées. Je pense que c'est ça que je vais mettre. Là. On est dû. Ça va être God If I Saw Her Now. Ça vient d'un album... de Anthony Phillips, Geese and the Ghost, en 1973, je pense. C'est juste après avoir quitté Genesis. Là, Anthony Phillips, c'était le premier guitariste. C'est lui qui a composé Musical Box. Ouais. Mm-hmm. C'était bien bon. Là, on va écouter God If I Saw Her Now à 70%. Merci, Mathieu. C'était sympathique comme anecdote. Oui, beau témoignage. On en apprend plus sur l'Université Laval. C'est ça. Et les fœtus de veau. De quoi il s'agit. Ses recherches doivent rester secrètes. Thank you. then, since then, God, if I saw her now. Savour kutiom du kulinom inje ammo Michel bon kat bonelo botate ma di waxam dina me kan Senegal du bujom bokatim ela jankone mo choc FM dina me jantene du bujom bokatim 70% yo dio là ça dialecte africain j'en ai un autre tu que bien ça. Ouais, ben, je voulais vous remercier d'avoir permis de parler un peu de la parade. Je m'appelle Alexandre Sarfati. Vous m'avez peut-être déjà vu dans une pièce que j'ai jouée au Théâtre du Rideau Vert avec Paul Cajolet qui s'intitulait « La jachère d'Émilie Bordelot ». Vous écoutez 70%. J'avais rajouté après coup la petite musique en arrière. Parce que pour vrai, c'était silencieux. Je trouvais que ça donnait un ton. C'était quand ça, d'ailleurs, la parade de la fierté hétéro? On a-tu entendu parler? Je pense qu'elle s'est jamais faite, finalement. Quand il était venu, c'était un projet. OK. Puis, c'était, en tout cas, je sais pas trop à quel point c'était sérieux. Puis, finalement, j'ai jamais entendu parler. Je pense que ça s'est pas fait. Ben voilà. Donc, on pourrait le rappeler, pour mais. Pour le malheur que... des hétéros du monde, ils n'ont pas pu manifester. Pas pu avoir de parade fierté. De la fierté. C'est hétéro dommage. Avec leur Bigfoot. Est-ce qu'on était fiers? Est-ce que toi, Mathieu, oui. Amateur de cinéma avec Caveman et tout, pis tout, ouais. Là? Des tunes, des chansons douteuses de même, est-ce que t'en as qui te font réfléchir? Est-ce que t'as du matériel pour nous autres? Eh non, tu m'as demandé ça avant de, pour me préparer, puis j'ai rien emmené. Bon, ben, je veux dire, peut-être que t'avais une idée d'une chanson quelque part. Pas pour l'instant. Michel non. Fugain, puis ben assez. Ouais, ouais, Michel Fugain, c'est super fait. Ça, c'est pas mal douteux. Ben, c'est ben quoi, d'abord. C'est quoi dans le film de, avec Michel Fugain? La Grande Fête, c'est ça, non? C'est La Fête ou. Ah, ouais, c'est la fête. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais. Ouais. J'ai trippé là-dessus, moi. Ah, ouais? Ouais, à 8 ans. Mais tu t'entendrais bien avec ma mère. Hein? Son film préféré, c'est Caveman, puis son chanteur préféré, c'est Michel Fugain. Non, mais là, à 9 ans, j'ai passé à d'autres choses. C'est une phase. Ça s'appelle l'évolution. Hey, d'ailleurs, parlant de passer à autre chose, je vais mettre un petit bout ici avant de se replier vers l'univers georgéen. Ah, t'as dit bien. Hey, you heard me, come shop. Montgomery. It's just like Donc, ouais, c'est ça, je pensais que vous commenciez à l'avoir moins dans la tête. Je voulais rafraîchir. Ouais, pour être sûr que ça reste. Et Forêt, le chauffeur décède ou peut-être qu'on peut laisser Mathieu t'envoyer vers une piste? Ouais, ben oui. Comment? Est-ce que tu as une piste? Dis-nous un nom de chanteur Kitten. Provoque DJ George. On verra si chanteur Kitten. Mon Dieu. Dieu n'a pas fait d'album, non. Ben, mais c'est des tunes religieuses. Steve Schott, as-tu fait un album, lui? Je pense pas. Ah, il y en a un à Québec là, qui vient d'en sortir un. Là. Comment il s'appelle? Madness Ring? Non, il y a son page au hockey. Là. Jonathan Roy. Jonathan. Ah ouais. Non, je l'ai même pas écouté. Je ne peux même pas dire si c'est Kitten. Ah, oh, c'est trop, j'avais lisé. Ça en fait, a l'air ouais, assez commercial. C'est un jeune pop, de 20 là. Ans que son père il a dit tu peux t'engager les musiciens que tu veux pour faire l'album que ça te tente. Ouais. Là, ben, les gars, ils sont arrivés, ils ont amené 40 ans d'expérience et ils ont fait l'album du jeune pour à sa c'est place. C'est pas vraiment ouais. Kitten, mais c'est pas. C'est juste vide. Intéressant non plus. Ouais. C'est vide. Voilà. Jonathan Roy, c'est vide. Vite, you give me life, life all cause me, yeah! Mais sinon, parle de quoi? on en est rendu là. Je peux mettre une toune qui a rapport avec le hockey. Là. J'ai Stampin' Tom Connors qui chante The Hockey Song. Oh! C'est du contenu canadien, ça, mesdames, messieurs. On l'aurait supposé. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump, and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game. is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Moi, j'avais déjà entendu celle-là, je pense, justement dans une annonce de Hockey Night in Canada à CBC. Et en parlant de CBC, on va retourner en nouvelles. Que de liens, que de liens. On est fort. Alors, utilisez-vous Gmail? Répondez pas. Êtes-vous tanné des publicités ciblées que vous voyez à droite de l'écran à tout bout de champ? Joe McKay, un blogueur américain, a trouvé un genre de solution. Vous et vos amis avez le pouvoir de contrer ces liens sponsorisés. Vous n'avez qu'à ajouter certains mots-clés qui élimineront la pub. Google utilise des ordinateurs pour lire les courriels et cibler les publicités par rapport aux mots-clés trouvés dans le texte. Mais si vous comme ajoutez... voyage. Comme voyage, sperme. Exactement. Okay. Sperme, oui, voilà. Mais si vous utilisez quelques mots-clés en mentionnant en fait n'importe quelle catastrophe ou événement tragique, Google a le bon goût de retirer les publicités, quelles qu'elles soient. Ainsi, si vous terminez votre courriel par un PS, meurtre, viol, 9-11, castration, vous éviterez à votre ami de supporter ses liens. Par contre, si votre courriel est plus long, les publicités risquent de revenir. Le ratio idéal est de un mot-clé par 167 mots. Okay. Vous voudrez aussi probablement expliquer à vos amis ce que vous êtes en train de faire pour éviter tout malentendu. C'est ça, j'ai écrit pédophile. C'est pas que ça soit mieux. Ouais, je suggérais en plus de carrément sur Gmail, on peut se créer une signature qui s'ajoute automatiquement à la fin du message. Ah, ben tu oui. Tu mettre un gros paquet de mots de même avec une petite explication. Puis voilà. Ouais. J'irais comme ça. 9-11. Voyons donc. Ben merci Bruno. T'en as-tu une autre? Oui, il m'en reste une dernière. Je peux vous pousser ma dernière. Il y a un nouveau produit révolutionnaire qui permet maintenant à votre chien de se masturber sans l'aide de votre jambe. Ah bon, enfin. C'est le Doggy Lover Doll, en un seul mot. C'est une poupée sexuelle pour chien qui existe en trois grandeurs pour satisfaire toutes les races. Marco Girotto de Pet Smiling, aussi en un seul mot, affirme qu'il a eu l'idée quand son chien a commencé à le zigner. Il aurait alors cherché un objet semblable sur le marché avant de découvrir qu'il venait de l'inventer. Les chiens n'arrivent pas à éjaculer quand ils se masturbent sur une jambe ou sur un jouet, mais avec le Doggy Lover Doll, ils le peuvent. Lors de périodes de test, les chiens qui avaient accès à la poupée se sont montrés moins territoriaux, jappaient moins, démontraient moins d'anxiété. En d'autres mots, les chiens qui sont satisfaits sexuellement vivent mieux. Quelle surprise! Oui. Ben là, ils peuvent se licher là, man. C'est quoi le problème? Ouais, mais c'est jamais pareil que de le faire avec quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. L'opinion d'Étienne Forêt. Ouais. Puis c'est quoi qu'on entend là en background? Ben là, comme je savais chercher du Thumping Tom, on en a encore d'autres. C'est The Canadian Lumberjack. Ce qui est bien, c'est que, tu vois, je viens de réaliser, j'aurais pu la mettre dans mon spécial bilingue. C'est que c'est bilingue, cette chanson-là. Ouais, ça, c'est français. Là, c'est canadien. Hey, ben oui, c'est vraiment... Ouais. Tu sais, il y a déjà quelqu'un qui m'a écrit pour me demander si j'avais les paroles de cette chanson-là, parce que lui, c'était un anglophone, puis il comprenait pas les bouts en français. Puis j'ai répondu que moi, je comprenais que très peu moi-même. C'est ça. C'est j'ai écrit bien. Ce que j'entendais. C'est comme Normal Amour, hein. Il chante en turc. Oui. Ouais. Là, là! Voilà, fait que c'est ça qu'on entend. On peut remettre ça à random? Bon, ouais, une petite dernière. On va voir sur deux dernières. On va voir sur quoi on va tomber. Ah, ça c'est Anne-Marie Lozic. Oh! Qui chante libre. Pénélope Cruz, 5 minutes au micro. En plus, c'est convaincant parce que la pochette est toute huilée, donc elle a l'air vraiment de sortir d'un micro. D'un micro. Tiré de l'album AML. Je pensais qu'en brandant ici, j'ai entendu à la radio une version dance de Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen, qui est une petite tune tranquille au bout. La version dance était vraiment mauvaise. Mais je sais impossible. Pas c'est qui. Je vais essayer de la trouver. Oh, wow. Hein? Sacré Anne-Marie. Elle a tout réinventé. Hein? Moi, ouais. S'il y a une affaire que je tenais d'entendre, je le déclare ici, c'est le monde qui me dise tout le temps « Oh, Anne-Marie Lozic, dans le fond, est super brillante, c'est une femme d'affaires incroyable, elle a un quotient intellectuel très élevé, elle faisait juste semblant d'être conne tout le temps comme ça. » Alors, chez moi avec ça, il n'y a personne qui peut faire semblant aussi bien que ça. Là. C'est une conne, je suis sûr. Elle est vraiment très intelligente. Elle est vraiment intelligente. Elle est une femme d'affaires. Ah oui, ah oui, vraiment brillante. Faire. C'est incroyable. Mathieu, une opinion sur Anne-Marie Lozic? Je n'ai pas le droit d'en parler. Elle veut pas. Oh. Bon, on change de thème. S'il te plaît. Ah, ici, on a Steph Kars qui nous chante d'autres choses que le Icky Breaky Dance en exclusivité à 70%. Elle est my love. La lune noire, au soleil levant, du clair des étoiles, au lever du vent, quel que soit Est-ce que c'est une composition? Je vais droit devant. Sûrement pas. Non. Pas de lui, en tout cas. Non, c'est ça. Quelqu'un l'a composé. Quelqu'un l'a déjà Je confirme composé, ça. Ouais, c'est bon. Mais c'est pas le. C'était une tune qui était en anglais à l'origine, là, probablement. Ouais, sûrement. Ouais, je sais pas, je connais pas. Qu'on la reconnaît pas. Bruno veut pas. Non, ça se peut pas. Steph Kars, qui écrivait son nom S-T-E-F au début, quand il a sorti Icky Breaky Dance. Puis cette tune-là, d'ailleurs, cette tune-là était, a existé avant le Icky Breaky Dance. Donc voilà. Ben, si elle a été composée par un anglophone. Non, mais quelqu'un... je veux dire, cette version-là ah, de Steph bon, Kars. Il a sorti ça avant de sortir Icky Breaky Dance. Puis là, à cette heure, après coup, il a changé son nom pour Steph Kars, S-T-E-P-H. Puis là, il chante des affaires de même. La gloria de l'amour. Ouais. Ça, c'est Nessun Dorma. On dit pas, il plaint des affaires de même. Il gémit, il gêne. Pour le plaisir de nos oreilles. Les bon, ben, écoute, là, wow. Il se prend au sérieux depuis qu'il fait ça. Je pense qu'on va faire une petite pause musicale avec du bouquet. Non, mais il est beau, puis il danse bien. Les tunes sont carrantes, puis il danse super bien, puis il se bon, puis il se bon. All right. For me, Buckethead, merci bien gros, Étienne. Un plaisir. On l'écoute pas trop longtemps. Non, non, celle-là était dure. Non, elle était pas évidente. Mon nom est Mathieu Cloutier. Je donne mon 70% et j'espère marquer des buts avec la gang des douteux. Fort. C'est fort. C'est touchant. Il nous a pondu ça sur le coup de même. Ah oui, là, écoute, à 10 secondes de préavis. Un petit background de Buckethead, ça va me faire du bien, ça. Je l'aime bien gros, cet album-là. Cool, moi, Buckethead, qui a été le guitariste remplaçant de Slash dans la dernière tournée très pertinente de Guns N' Roses. Selon moi, un des bands les plus overblown de tous les temps. Oui, en effet. Ça, j'ai vraiment, vraiment une insistance formelle à ce niveau-là. Donc, retourne dans le film Frankenhooker ou Frankenguidun. Ils ont écrit Guidun, G-U-I-D-U-N, dans oui. la version française. Fait qu'au début, moi, je pensais que c'était Guidon. Puis, ah ouais. Je savais pas, là, en tout cas. Frank Hennenlotter, autre machine à prétendu film culte, est le grand responsable des 80 minutes à venir. En résumé, plein de spoilers, un gars qui mit tous ses œufs dans un seul panier que l'on appellera la zone cervicale du savant fou, se fait découper sa fiancée par une tondeuse. Il décide ensuite de garder les morceaux dans un frigidaire avant de commencer à collectionner des parties de cadavres de prostituées pour reconstruire le corps de son aimé. Voilà. C'est l'ensemble de la prémisse de ce film de 1990. Culte. Outre le scénario à tendance folichon, soit mamelon féminin en gros plan, femelle hagarde, gloussante et influençable, mâle alpha abruti ou faiblard loser s'agglomère pour former un univers où tout le monde est un stéréotype. Vous allez très, très, très trouver très charmantes les explosions cultes de prostituées, les dialogues cultes entre Jeffrey, notre héros sans amis, et sa mère. Vous allez frissonner devant la scène culte d'introduction et en redemander après la séquence dans le bar de danseuse culte avec des mamelons cultes. Et que dire de la finale culte qui culmine au sommet d'une pile de cultes que vous n'oublierez pas? Et comme 80 minutes, c'est pas trop long et qu'on veut vous garder avec nous, ben j'ai découvert dans ma pile de court-métrage, ben moyen-métrage, un épisode des New Kids on the Block. On va l'écouter après au brouhaha. Les New Kids, c'est dans le fond une pâle imitation des Boys Next Door. Boys Next Door, c'est les purs. C'est les autres, les vrais. Aussi, ben, je réinvite encore une fois tout le monde à aller voter au douteux.org. Douteux.org. Le email à Bruno, c'est bruno@douteux.org. Le email d'Étienne, c'est etienne@douteux.org. Puis le mien, c'est zlibag8@douteux.org, bien sûr. C'était Tommy Godette au micro. Je dis merci à Mathieu Cloutier qui est venu de Québec. Merci à vous. Notre nouvel ami, bien sûr. Et puis Bruno Corbin. Bruno Corbin, Bruno Corbin, Bruno Corbin, Bruno Corbin. Flea Market. Et puis, ben, Étienne Forêt, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce que Bon Zion, c'est un film culte, tu penses? Bon Zion, c'est un film culte. Oui, c'est ça, je pense. Oh, oui, parce oui. que c'est... Je sais ça. Il y a certaines personnes qui se réunissent pour l'écouter. Des fois. Danny Gilmore et sa famille. Il aime ça l'écouter. C'est ouais. ça. Et donc, ben, merci beaucoup. C'était 70%. Je vous laisse... vous vous rappelez tantôt, là, il y avait l'autre, il était en train de se driller la tête. Là. On va retourner là, vivre des aventures avec Jeffrey. C'est cool, j'ai trouvé le mieux, c'est d'enlever des hôtesses de l'air. Ouais, tu vas prendre la camionnette et tu vas foncer à l'aéroport. Et tu vas kidnapper la première gonzesse que tu verras se balader. Ouais, t'as pas à t'en faire, ce sera sûrement une hôtesse dans les aéroports, ça grouille partout. Une fois embarqué dans la camionnette, tu l'étrangles avec une corde. C'est complètement débile, ça marchera jamais ton plan. Et tu te feras piquer tout de suite. Réfléchis un peu, Jeffrey. On se calme. Bon, je crois qu'il vaut mieux recommencer à zéro, choisir un autre endroit, vieux. Le trou s'est déjà refermé. Ah, ça y est. Ça roule. J'ai trouvé. Et en plus, c'était si simple. Il me faut des membres de femmes. C'est pas bien compliqué à trouver par ici. Il y a des milliers d'endroits en ville où des femmes font de leur mieux pour se faire remarquer d'un mec solitaire. Elles me posent pas de questions, tant que le type paie rubis sur l'ongle. Et justement, j'ai de l'argent à dépenser. Eh ben, la vache, tu parles d'un étalage, il y a tout ce que tu veux apporter de la main ici. Un vrai buffet. Ah, une paire de jambes intéressante. Ouais, je note l'adresse, je repasserai peut-être tout à l'heure. Oh, nom de Dieu, il y a un de ces choix. Un poil trop vulgaire, celle-là, quand même. Ah non, ça va choquer. J'en reviens pas, ça va être encore plus facile que je n'osais l'espérer. Intéressant, ça. Je prends une option sur la grande blonde, là-bas. Oh, quel pied. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un quartier extra. Ouais, je vais le recommander à mes potes. Bon, allons-y. Le moment est arrivé de passer à l'action. Ça marche. Hey, chérie, tu cours après le grand frisson? Ben, réponds-moi. Salut, mon beau gosse, tu cherches un peu de compagnie. Je suis à ta disposition, il n'y a qu'à demander. Hey, on se promène, tu prends un verre ou bien tu veux un peu de compagnie pour finir la nuit? Vous êtes charmante, mademoiselle. J'ai pas l'habitude de ce genre de choses, vous savez. Oh, toi, tu viens de New Jersey? Ben oui, tout à fait. De l'autre côté du pont, là-bas, je viens d'arriver. Bon, ben tu vas prendre deux bonnes respirations, te calmer et me dire ce que tu veux. Ben en fait, je cherche deux filles, de belles filles, vous voyez. De préférence avec de beaux membres. Enfin, non, de vraies femmes, bien de partout. Dis donc, chérie, qu'est-ce que tu penses de ça? Il y en a pas assez pour remplir tes deux mains. Et pour le croupion, crois-moi, c'est la même chose. Je vous fais confiance. Si je me fie à ce que j'ai sous les yeux, votre fondement doit être assuré. T'as du pognon? Du pognon, ouais. Un petit peu, ben, je sais pas combien. Ça suffira. Eh, tu plaisantes? Waouh, pour ce prix-là, je suis ton esclave. Oh, ouvre ta portière, chérie, j'arrive. Non, attendez un peu, mademoiselle, je ne suis pas prêt. Je te jure que tu le regretteras pas. Si tu veux, on fait un marché. Satisfait ou remboursé, ça voyons, calmez-vous, on se fait remarquer. Pour tout vous dire, il me faudrait d'autres filles. Combien? J'en sais rien. Ambre, amène tes fesses, rapidos! idée. C'est quoi ce foutoir? Les talents que tu vois, il réclame 2 frangines pour lui. Non, attendez, c'est pas... Du 30 juillet au 2 août, le festival Meg Montréal, c'est l'occasion rêvée de célébrer différemment votre été. Passez au Divan Orange pour entendre de nouveaux groupes locaux tels que Random Recipe, Silly Kissers ou Qualité Motel. Allez vous défouler au Club Meg lors du DJ set de Fisher Spooner. Visitez le parc Jean Drapeau pour voir Tiga, Likili et Girl Talk sur la scène Meg à Oceaga. Embarquez sur le Meg Boat pour une croisière festive mémorable avec Ellie Riot et Data. La nouvelle passe Meg vous donne accès à tous les concerts hors Oceaga pour seulement $60. Rendez-vous au www.megmontréal.com.